Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle de moi qui fut publiée à l'origine dans le magazine Planète à vendre dans les années 90. Cette nouvelle est particulière dans son traitement. En effet, elle adopte trois points de vue qui semblent complètement indépendants les uns des autres. Façon de procéder que je n'utilise que très rarement. Lors de la réalisation audio, j'ai voulu que chaque point de vue soit rendu par un narrateur différent. Je me charge du premier, K00 du second et Ezwa du troisième. Mentionnons que K00 est très impliqué dans audiocité.net et qu'on entend Ezwa principalement chez LibriVox.org. Les éditions de l'avenir présentent Descente, un texte de Christian Martin, paru à l'origine en 1992 dans Planète à vendre. Cette femme et moi sommes des amis, de très bons amis. En fait, je croyais que nous étions bons amis. J'osais le croire sincèrement. Mais l'étions-nous? Toto leva péniblement une paupière. Un œil encore embué de sommeil apparut. Il regarda lentement autour de lui et, ne distinguant qu'un épais brouillard, il replongea dans ses rêves. La chaise berçante oscilla tout doucement, comme effleurée par une main invisible. Dans le ciel, un cumulus blanc sortit de son immobilité, poussé par une brise. Elle et moi, des amis? Peut-être. Elle était grande musicienne. Avec aisance, ses doigts virevoltaient sur les touches du piano pour, aussitôt après, pincer de joie les cordes de la guitare. Quel délice quand sa bouche embrassait l'embouchure de la flûte. Et mes pieds étaient saisis de la folie de la danse lorsqu'elle flagellait les peaux tendues de la batterie. Mais les plus purs ravissements, je les goûtais quand, de sa voix, elle me saisissait aux tripes et me menait en bateau. J'étais conscient du fait, mais trop charmé pour réagir. Elle chantait si bien qu'elle aurait pu porter le monde sur l'aile d'un songe. Elle aurait pu le porter à travers le cosmos jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Elle aurait pu, mais elle n'en fit rien. Toto rêva d'étoiles et de cosmos. Il était le roi volant, explorateur, aventurier. Conquérait-il cette planète ? Ce monde nouveau autour duquel il orbitait, pourquoi pas? Toto aurait pu, mais il n'en fit rien. Le nuage sentit un puissant vent ascendant se saisir de lui. Avec cette sensation, vinrent celles d'étrangeté, de malaise et de peur. Aussitôt, le nuage s'agrippa au sommet des arbres. Il aurait pu monter très haut. Il aurait pu devenir un des plus grands. Il aurait pu contempler les mers lunaires. Il aurait pu assister à l'amour des étoiles. Il aurait pu naître à nouveau dans le cosmos. Il aurait pu, mais il n'en fit rien. Ma prétendue amie était apeurée, effrayée, terrifiée. Elle ne savait rien du cosmos et ne voulait rien en savoir non plus. Elle n'avait pas du tout le goût de porter le monde entier sur ses épaules, dans sa tête, sur sa voix ou dans sa chanson. Non, elle ne porterait pas le monde. La lourdeur de celui-ci l'écraserait aussi sûrement, songeait-elle, que la talon clouté sur la puce téméraire. Bien sûr, elle ne savait pas, ou peut-être avait-elle oublié, qu'avec une chanson, la vie, la mort, l'amour, le travail, et même le monde était plus léger. Ainsi, mon amie ne porta pas le monde. Plutôt, elle arrêta de chanter, de rêver et d'espérer. Ses membres et ses organes de son être se mirent à se décomposer. La mort l'avait saisie à bras-le-corps. Non, Toto ne s'empara pas de cette nouvelle planète autour de laquelle il orbitait si librement. Il se contenta de la regarder, sombre, brune, brumeuse, étrange, cruelle. Il aurait pu facilement la conquérir, songea-t-il. Rien de bien difficile pour un grand aventurier comme lui. Mais pour le moment, une étrange sensation se répandait comme feu aux poudres dans tout son corps. Douleur hurlait ses poumons. Il suffoquait, se mourait. Toto s'éveilla abruptement et se débattit avec désespoir. Enfin, il réussit à se débarrasser de son opposant, le coussin brun. Damné ! Toto roula des yeux au comble de la colère. Cet enfant d'homme, ce... bégaya-t-il d'indignation. Il mériterait d'être griffé. Ça lui servirait de leçon. On n'étouffe pas comme ça le chat de la maison. Ça ne se fait pas. Toto sauta de la chaise berçante, traversa la cuisine de son pas félin et, de mauvaise humeur, se mit à mastiquer avec soin son catch-all. S'il n'avait pas été de cette petite peste, songea le chat sous le croquant de la nourriture sèche, il aurait conquis ce nouveau monde et serait devenu le roi Toto. Le nuage résista au vent violent. Il ne le laisserait pas l'emmener de plus en plus haut. Oh non, pas de cosmos pour ce nuage-ci, jamais. Il avait le vertige. Il préférait plutôt devenir une brume, un brouillard, et s'étendre sur l'onde. Oui, il serait un gentil petit brouillard rondouillard et gris à travers lequel des souris et des rats, tout aussi gris que lui, courraient, fuiraient, vivraient, dormiraient, mangeraient et, finalement, seraient piégés à grand renfort de couinements stridents dans les cabanes, les maisons et les égouts. Oui, il serait un brouillard humide, et même plus qu'humide, trempé. Plus de soleil, plus de clair de lune, plus de nuages, plus de pluie. Plus qu'un brouillard humide et pénétrant. Sa décision était prise. C'est ce qu'il serait. L'ex-nuage s'étala sur la ville, s'insinua au travers des vêtements, s'infiltra dans les maisons, perça la peau jusqu'à l'âme, jusqu'au cœur de sa froide humidité. L'ex-nuage entendit voguer une merveilleuse chanson sur la jolie voix d'une jeune femme. La mélodie se noya dans la mer de brume. Le cumulus dégénéré perçut aussi un ronflement, un rêve de gloire, un ronronnement et un miaulement qui moururent tranchés nets dans une brume de violence. L'ex-nuage haussa ce qui lui tenait lieu d'épaule et s'agrippa encore plus fermement à l'herbe rase. Il attendit là, sans bouger, la fin de la métamorphose. Ces curieux pseudopodes qui lui poussaient sur toute la surface s'enfonceraient bientôt profondément dans le sol et se transformeraient en racines. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté « Descente » de Christian Martin, lu par Rézoi, K00 et Christian Martin. Tous les droits appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Pour tout connaître de nos productions audio, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Ceci est une production des éditions de l'Avenir. Et voilà. Vous retrouverez cette nouvelle à l'avenirshorts.canalblog.com. Toutes les lectures de K00 pour Audiocité se trouvent à audiocité.net/k00.html. Et vous trouverez toutes celles des oies pour LibriVox à librivox.org/synfit/librivox-catalogue-people-public.php:people-id=123. Ces coordonnées apparaissent toutes sur le blog de la web radio ainsi que toutes les émissions d'Espace-Temps. Visitez-le à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.